Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Je rêve de la vie que j'aurai avec Jésus. Je rêve de passer tous mes jours avec Jésus. Il n'y aura plus de larmes ni soucis. Il n'y aura plus de mal grâce à lui. Ce sera fini. C'est pourquoi je t'annonce le salut de Jésus. C'est pourquoi je t'annonce le beau nom de Jésus. J'ai laissé derrière moi tous les cadeaux du monde. En mon roi plus que tous ses royaumes. Il n'y aura plus de larmes ni soucis. Il n'y aura plus de mal grâce à lui. Ce sera fini. C'est pourquoi je t'annonce le salut de Jésus. Je t'annonce le beau nom de Jésus. La la la. Ce sera fini. C'est pourquoi je t'annonce le salut de Jésus. C'est pourquoi je t'annonce le beau nom de Jésus. La la la. Ce sera fini. C'est pourquoi je t'annonce le salut de Jésus. C'est pourquoi je t'annonce le beau nom de Jésus. La la la la la la la la la la. Le beau nom de Jésus. Le beau nom. Le bon nom de Jésus. Le bon nom de Jésus.